Les délégations de l'Union démocratique des femmes coréennes au Japon et des permanentes de l'Association générale des Coréens en Chine, venues pour participer à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée, ont visité le 13 courant le palais du soleil de Kumsusan pour formuler hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.